franceinter.fr. Bonsoir. Louise de Bétigny, ce nom vous dit quelque chose ? Peut-être si vous habitez dans le Nord. Des rues, des places, des écoles portent son nom. À Lille, boulevard Carnot, une statue, pas très belle, la représente, raide, le regard dans le lointain, comme une sainte, avec à ses pieds un soldat qui lui baise la main. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Louise de Bétigny fut une femme bien réelle, au destin exceptionnel. En 1914, cette Lilloise de bonne famille, catholique, célibataire à 34 ans, qui semblait vouée à une vie de vieille fille ou de nonne, va prendre la tête d'un incroyable réseau d'espionnage et devenir une héroïne de la Première Guerre mondiale. Les deux guerres mondiales, on le sait, furent terriblement destructrices et meurtrières. Louise de Bétigny elle-même, qui aimait la vie, y perdra la sienne. Mais en bouleversant les codes sociaux, c'est tout le paradoxe des guerres, elles furent aussi des moments de grande émancipation des femmes. Quand en 1914, Lille est occupée par l'armée allemande, et oui, il y eut aussi pendant la Première Guerre mondiale une occupation allemande en France. Qu'importent alors les convenances et les bonnes manières ? L'urgence pour Louise est désormais de se battre. Un engagement qui va se révéler très dangereux, mais qui va aussi lui donner un intense sentiment de vivre. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Chantal Antier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, vous avez beaucoup écrit sur le sort des civils pendant la guerre 14-18, oui. Un sujet longtemps méconnu. Et vous êtes aussi l'auteur d'une biographie de Louise de Bétigny, parue il y a 3 ans chez Talendier. À votre avis, la dimension historique de cette femme est-elle reconnue enfin à sa juste mesure en 2016 ? Eh bien, ce qui m'a surprise, c'est que justement, depuis la Seconde Guerre mondiale en tout cas, on n'a pratiquement plus parlé d'elle. Il y a eu un dernier film qui est paru pendant que les Allemands commençaient à occuper donc la France à la Seconde Guerre, c'est-à-dire un film sur elle. Et après quoi, il a été interdit, parce qu'une espionne française, évidemment. Donc ça m'avait interrogé, je m'étais demandé qui était cette personne. Voilà comment j'ai commencé des recherches sur elle. J'ai eu la chance de rencontrer un membre de sa famille qui, au bout d'un petit moment, m'a fait confiance. On a travaillé sur des documents qui n'avaient donné pratiquement personne. Et au fur et à mesure, j'ai découvert le parcours de cette femme assez extraordinaire à cette époque. Alors, qui est Louise de Bétigny en 1914, avant le début de la guerre, justement ? Qui est cette femme ? Alors, elle est d'une famille de 8 enfants. Elle est dans les derniers, donc... Elle a des grands frères et sœurs qui ont fait leur vie mariés, religieux, prêtres. Et elle-même, en fait, elle se cherche. Et elle va faire, grâce à son père, des études en Angleterre, ce qui est très important parce que ça a probablement changé sa vie. D'abord, elle a appris l'anglais. Et deuxièmement, elle a appris les débuts du féminisme qui était déjà très en avance en Angleterre et très peu en France. Donc, elle est revenue à la mort de son père. Et là... Eh bien, elle a eu un moment où elle ne savait plus vers quel endroit aller, parce qu'en fait, elle était très catholique, et elle pensait faire comme sa sœur aînée, rentrer au couvent. Et pourquoi elle ne s'est pas mariée ? Alors, elle a eu, certainement, d'après ce qu'on a trouvé, des relations avec des jeunes gens, mais vous savez qu'à cette époque, les familles de la noblesse ou de la grande bourgeoisie n'acceptait pas n'importe qui chez eux. Et elle a eu certainement un refus de sa famille. Et après, on n'a plus parlé, en tout cas, on n'a pas retrouvé trace d'un amour qui aurait pu, en fait, effectivement, se terminer par un mariage. Donc, elle a 34 ans en 1914. Exactement. C'est déjà une femme très âgée pour ne pas être mariée. Enfin, à cette époque-là, ça ne se faisait pas tellement. Oui, c'est tout à fait rare. Par contre... Il faut penser que le nord de la France, à cette époque, est assez en avance sur le reste du pays, sur le plan industriel d'abord, parce que c'est une région qui est extrêmement riche en industrie, avec des industries à type un peu paternaliste, un peu catholique, qui prenait les gens où ils étaient, qui les formait, etc. Et puis, il y avait des ligues. Parce que il faut penser qu'en 1905, il y a eu cette fameuse loi dont on parle beaucoup maintenant. La séparation de l'Église et de l'État. Voilà, séparation de l'Église et de l'État, et qui a beaucoup marqué cette population très catholique du Nord. Donc, elle a été à la tête d'une ligue catholique, et elle est venue faire des stages à Paris. Elle a été essayer de former des groupes, et quand il y avait des élections, d'agir sur les électeurs et électrices, en distribuant des papiers et en faisant même des conférences. Donc c'est un aspect qu'on n'imagine pas de sa part, mais qu'il a lancé un peu dans le monde du travail, voilà, on peut dire. Elle était contre la séparation de l'Église et de l'État. Alors elle était contre la séparation de l'Église et de l'État. Il faut essayer de se mettre dans l'esprit, ce qui n'est pas facile, parce qu'on n'en est plus du tout là. Mais les catholiques, dans le nord de la France, ont créé énormément d'instituts, même l'université a été créée par les catholiques, les hôpitaux. Donc, si vous voulez, c'était une emprise assez générale. Et elle a été, avec sa famille, donc tout à fait dans cet esprit-là. Et Louise de Bettigny est une femme relativement indépendante. Elle est partie de sa famille, elle est partie vivre à l'étranger. Voilà. Elle est gouvernante, parce que la famille aussi est un peu désargentée. Voilà, oui, donc exactement. Elle gagne sa vie, ce qui est elle quand va même gagner assez sa vie, rare ce qui aussi est assez rare à cette époque. Alors l'histoire que je vais raconter, là, dans quelques minutes, donc les tenants destins de Louise de Bettigny pendant la Première Guerre mondiale, cette histoire commence en 1914. Quelle est la situation de la France, et particulièrement de Lille, en octobre 1914 ? La guerre a commencé le 1er août, on le sait. Et quelle est la situation en octobre 1914, Jean Calentier ? Alors, il faut bien se rappeler que c'est un département qui est pratiquement à la limite de la Belgique. Donc la Belgique est d'abord occupée d'une façon absolument épouvantable, brutale et dramatique, vraiment. Oui, l'armée allemande. Voilà, l'armée allemande envahit tue énormément de gens, met en prison, fait des interdits dans tous les villages. Et voyant qu'il y avait des relations, évidemment très faciles, par la frontière entre Français du Nord et de la Belgique, eh bien, ils ont fermé cette frontière et ils sont aperçus qu'il fallait qu'ils agissent aussi, un peu de la même façon d'ailleurs, dans le nord de la France. Oui, donc l'armée allemande pénètre en France, dans le nord. Voilà. Et alors à Lille, ça a été terrible parce que nous n'avions pas assez d'hommes pour défendre la ville. Elle a beaucoup aidé pour nourrir les soldats et puis ensuite comme infirmière. Et comme elle parlait allemand, elle a pu rendre service à des soldats allemands, ce qui a été mal considéré d'ailleurs parmi ses compagnes, puisque c'était l'ennemi. Mais elle, c'était la charité probablement qui la poussait à agir ainsi. Merci Chantal Antier. Je propose que nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter Louise de Bettigny, espionne de guerre, un texte original de Jean-Philippe Noël, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisé par Benjamin Habitant. J'ai toujours su que je rentrerais au Carmel. Un choix ? Sois honnête avec toi-même, plutôt un choix par défaut. C'est vrai qu'une quête spirituelle a quelque chose d'absolu qui me fascine. Une vie en marge des autres. Une vie pour un idéal, pour un sacrifice. C'est beau. En même temps, je ne suis pas Thérèse de Lisieux. Dieu ne m'a jamais fait signe. Ma vie défile aussi vite que ce paysage et je ne sais toujours pas ce que je vais en faire. Plus de 30 ans, pas mariée et sans prétendant, je suis une vieille fille en devenir. Gouvernante dans une riche famille bourgeoise, le voilà mon bel avenir. Austère dans une robe noire cintrée pour dissimuler toutes les aigreurs d'une vie sans gloire et sans prestige. Mieux vaut encore le couvent. Je pourrais terminer mère supérieure, ce serait toujours ça. Ça veut dire renoncer au monde. Et quand ? Maintenant ? Demain ? Quand je serai vieille ? Très vieille et toute ridée ? Au printemps 1914, Louise de Bettigny a 34 ans. Elle est de retour à Lille où elle a passé sa jeunesse. septième enfant d'une famille aristocratique désargentée, elle était partie en Italie puis en Autriche comme gouvernante dans des maisons princières d'Europe. Mais une Europe au bord du chaos. En effet, en août, les soldats du Reich envahissent la Belgique. Dans l'urgence, les autorités françaises déclarent Lille « ville ouverte », sommant l'armée d'abandonner la position. Seule une poignée de 2000 Lillois choisissent de résister à l'envahisseur. Le siège de Lille commence le 3 octobre 1914. Alors que leur mère et la plupart de leurs frères et sœurs ont quitté la ville, Louise et son aînée, Germaine, ont décidé de rester. Un nouveau destin commence alors pour Louise de Bétigny. Dépêche-toi, Germaine, on y arrive. L'entrée de la cave est là, tu la vois ? J'en peux plus. On y est. Viens. On l'a échappé belle cette fois. Je me suis fait mal à la cheville. À la cheville ? Je me la suis tordue. On n'a pas les chaussures idéales pour courir dans ce champ de ruines. Il te reste encore quelque chose dans ton sac ? Rien. J'ai tout distribué aux soldats. Et toi ? 2 morceaux de pâté. Et 1 bout de pain. En tout cas, je crois qu'ils ont bien apprécié la soupe chaude. Oui. C'était une bonne idée d'en faire. Et tu as vu la tête du capitaine quand on a distribué les cigares à ses hommes. Les cigares de papa. Maman les conservait comme des reliques. Pauvre papa. Mais là où il est, il en aura plus vraiment besoin. Si maman savait ce qu'on fait. Vider la cave, tu crois qu'elle aurait été d'accord ? Quand je pense qu'elle gardait toutes ses bouteilles pour les grandes occasions. Remonter le moral de nos troupes, c'est une belle occasion, non ? J'ai eu vraiment peur cette fois, tu sais. J'ai même cru à un moment qu'ils nous visaient. Est-ce que je peux les détester, ces sales boches ? Mais t'es la première à l'hôpital à les aider. Il faut bien que quelqu'un traduise ce que les chirurgiens leur racontent. Tu crois que ça m'amuse de dire à un gamin qu'on va lui couper la jambe ou qu'il serait temps qu'il demande un prêtre ? Excuse-moi, je voulais pas te fâcher. C'est pas toi qui me fâche. C'est tout ça. Quand je pense qu'il y a 6 mois, je travaillais là-bas comme gouvernante et que je prenais le thé avec le duc de Bavière et qu'il est aujourd'hui à la tête de l'armée qui est en train de mettre Lille à genoux. Ça me rend folle. Ces gens-là sont devenus nos pires ennemis. C'est comme s'il m'avait trahi. Faute de munitions, Lille capitule le 13 octobre 1914. Dès le lendemain, la ville passe totalement sous le contrôle de l'administration militaire allemande qui fait de la région sa base arrière, réquisitionnant les édifices publics et installant ses officiers chez l'habitant. L'une des premières mesures prises par l'armée germanique, qui redoute l'espionnage, est l'isolement total de la zone occupée. L'utilisation des appareils de radiotélégraphie est prohibée et la presse censurée. Les pigeons voyageurs sont tués et tous les moyens de transport confisqués. Mais surtout, toute correspondance privée avec la France ou d'autres pays est interdite. Au total, ce sont plus de 2 millions de Français qui sont coupés de leur famille, de leurs amis et de leurs relations professionnelles, sans aucune possibilité ni de donner, ni de recevoir des nouvelles. Alors vraiment, tu n'en veux pas ? Non, je te l'ai dit, Germaine. Moi aussi, si j'avais un mari, je voudrais savoir sur quel front il se trouve. Et maman sera contente de t'avoir à ses côtés. Tu as réussi à obtenir un laissez-passer. Mieux vaut en profiter. Pas sûr qu'à l'avenir, les Boches les donneront aussi facilement. Et toi ? Tu restes ? Tu es certaine ? Oui. Je ne veux pas partir maintenant. Notre histoire de poste aux familles se met bien en place. On va avoir besoin de moi. Allez, ma chérie, saute dans le train. Il ne faudrait pas qu'ils partent sans toi. Embrasse très fort maman pour moi et dis-lui que tout va bien. Et toi, fais attention. Promis. Avec un réseau de dames patronesses, Louise organise en effet la poste aux familles. Il s'agit de faire sortir secrètement de l'île et de ses environs des lettres afin de les poster en zone libre. Un véritable parcours du combattant. Il faut traverser clandestinement la frontière avec la Belgique, rejoindre, parfois en train mais souvent à pied, les Pays-Bas, alors neutres, prendre le ferry pour l'Angleterre et de Douvres, voguer vers la France libre, où les lettres sont enfin postées. Un jour que Louise effectue son périple avec près de 300 lettres recopiées sur ses jupons, elle est contrôlée à son arrivée en Angleterre. Comme pour chaque étranger qui entre sur le territoire, un officier britannique lui fait subir un véritable interrogatoire. Pour être impressionné, il a été impressionné, l'Anglish. Pourquoi je lui aurais menti? Les Anglais sont nos alliés, après tout. Et j'étais un peu fière de lui montrer mes 300 lettres et de lui dire que je parlais aussi bien l'anglais, l'italien que l'allemand. Mais si je m'attendais à ça, moi, une espionne, c'est tout simplement incroyable. Il m'a proposé de travailler pour les services secrets anglais. En même temps, depuis que la guerre a commencé, il me semble que tout peut arriver. Qu'il n'y a plus de limite dans cette folie. Je n'ai pas encore dit oui, mais je sens que je vais accepter. Tout cela est bien trop excitant. Me donne une force incroyable. Être du côté des combattants. Participer au sauvetage de l'île. C'est vraiment cela que je veux faire. Pas question que je laisse ces sales boches nous envahir sans rien dire. Je ne pourrai plus me regarder en face. Louise de Bettigny accepte donc la proposition des Anglais qui en informent les services secrets français. En Grande-Bretagne, elle suit un véritable stage d'agent secret. Outre les termes exacts de sa mission et les noms de ses contacts, elle apprend les techniques d'écriture à l'encre sympathique, le codage de messages, les règles de la discrétion, les façons de se comporter face à l'ennemi et les cachettes les plus sûres pour dissimuler sur soi de minuscules morceaux de papier. Elle prend comme nom de code Alice Dubois. Son appartement à Lille devient son quartier général où elle ne reçoit que ses collaborateurs les plus proches. Parmi eux, Monsieur de Jeter a mis ses compétences de chimiste au service de la fabrication de faux papiers en tout genre. Ces papiers sont parfaits. Vous faites des merveilles dans votre atelier. Des années de chimie. Voilà Alice Dubois, pour la première fois couturière. Et pour le passage des deux garçons, vous avez réussi à faire des laissez-passer? Non. Il faut attendre. Attendre encore? Nous n'avons pas le temps d'attendre. Les boches sont de plus en plus méfiants. La commandante Tour de Lille a encore changé ses sceaux. J'ai pas pu faire de copie. Et s'il continue à ce rythme-là? Nous accélérerons la cadence. Nous n'avons pas le choix, mon cher Jeter. En attendant, est-ce que vous pouvez m'aider? Je pars demain pour Anvers. Et j'ai de nombreux messages à coder. Toute seule, je n'y arriverai pas. J'ai déjà passé toute la nuit dernière à transcrire un rapport sur des papiers grands comme des timbres-poste. Vous travaillez trop. Vous devriez vous... Vous attendez quelqu'un? Non. Non, je ne crois pas. Il y a le couvre-feu qui est dans une demi-heure. Je n'aime pas beaucoup ça. Vous n'avez pas été suivi. J'ai fait bien attention. Tenez-vous prêt. La porte de service dans la cuisine. Elle donne dans l'arrière-cour. Qui est là? Albert, madame. Albert, mais... Désolé de venir vous déranger jusque chez vous, mais j'ai pensé que l'information avait son importance. Entrez. Je fais vite à cause du couvre-feu. Alors? Ben voilà, c'est mon contact, je suis dans un. Il m'a dit que les Boches, ils avaient installé une nouvelle batterie d'artillerie. Il paraît qu'ils en ont mis lourd. Vous avez pu noter les coordonnées? Tenez, je l'ai noté sur la carte. Mais c'est pas difficile à trouver, c'est l'usine. Vous savez, la fonderie, celle que les Boches, ils ont tout démonté les machines pour les emporter chez eux. C'est là qu'ils ont entassé des munitions. Avant, ils y mettaient que des chevaux, mais maintenant, il y a même des canons. Merci, Albert. Je vais faire suivre. Je voulais vous dire aussi... Il s'est passé des drôles de choses par chez moi. Enfin, je sais pas trop comment... Parlez sans crainte, Albert. Ben, voilà, madame. Figurez-vous que l'autre jour, les Boches, ils ont convoquer toutes les femmes et les filles du pays à 4 heures du matin. À 4 heures? Pour les faire travailler? Ça serait que ça. Mais c'est bien pire. Ils voulaient les ausculter. Les ausculter, comment que je dirais, leur intimité, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voulez dire que... C'était qu'il y avait ma gamine et ma femme dans le lot. Mais pourquoi? Ils disent que c'est parce qu'il y a des boches qui ont chopé là. Ah, vous comprenez? Ils ont dit que c'était par chez nous. Jusqu'où iront-ils pour nous humilier? Faut qu'ils le sachent, les alliés. Comment c'est qu'on est traités comme des bêtes ici? Bon, c'est pas le tout. Faut que je me rentre. Merci, Albert. Et n'oubliez pas notre rendez-vous le 15. Vous pouvez compter sur moi, Madame Alice. Soyez prudent. Monsieur Jeter, c'est bon. Albert est parti. Il ne vous connaît que sous votre nom de guerre? Bien sûr. C'est la première des deux règles à ne jamais enfreindre. Et la seconde? Nier connaître un des membres du réseau, quelle que soit la situation. Même si cela doit lui sauver la vie. Au printemps 1915, alors que sur le front, la première bataille de la Champagne est un échec pour l'armée française, le réseau que constitue Louise compte désormais près de 80 personnes. Elle recrute dans toutes les couches de la société, en France comme en Belgique. Sa mission est d'informer en permanence les alliés des mouvements de l'ennemi, des types de régiments en place, des cibles potentielles ou des résultats des bombardements. À la tête de son réseau, elle collecte ces informations qu'elle fait parvenir au Foreign Office à Londres. Louise est efficace et organisée. Mais lorsque les Anglais lui demandent d'étendre ses activités jusqu'en Picardie, située aussi en zone occupée, elle comprend qu'elle a besoin d'être secondée. Cette Marie-Léonie Van Hout, elle m'a plu au premier coup d'œil. Avec ses lunettes rondes, sa robe de coton grisâtre et son chignon serré, elle a plus l'air d'une jeune fille rangée que d'une dangereuse pétroleuse. J'ai tout de suite compris que je pouvais lui faire confiance. Quand son frère a décidé de rejoindre l'armée française, elle m'a raconté qu'elle est partie toute seule repérer le trajet pour lui. Si ce n'est pas du courage, ça. Est-ce l'urgence dans laquelle nous sommes? La nécessité absolue de nous faire confiance tout le temps, de nous épauler sans condition, je ne peux le dire. Bien qu'elle soit ma cadette d'une dizaine d'années, nous sommes très vite devenus complices. Je ne pouvais rêver meilleur lieutenant. Son nom de code est Charlotte Lameron. Mais très vite, je la surnomme affectueusement Minou. Mon Dieu, je me suis demandé s'ils n'allaient pas dépacter tous les fromages un par un. Les têtes qu'ils ont faites quand ils ont ouvert le maroilles, j'ai cru qu'ils allaient tourner de l'œil. Celui-là, il était affiné à cœur ou je n'y connais pas. Un bout de temps que je le laissais vieillir, ma Minou. Et quand vous lui avez dit « fromage, bon, goûtez », je me pinçais pour ne pas rire. Ces boches ne savent pas ce qui est bon. Je peux vous faire une confidence, Louise? Oui. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je ne sais pas comment dire, j'ai un peu honte, mais tout est tellement excitant. 20 fois j'ai cru qu'ils allaient tout découvrir, qu'on allait mourir. Et à chaque fois que l'on passe le poste, je me sens encore plus vivante, j'ai envie de crier ma joie. Je sais que je ne devrais pas dire cela, on est en guerre, mais... Nous servons la France, Maminou, et c'est tout ce qui compte. Les raisons pour lesquelles nous avons fait ce choix ne regardent que nous. Une patrouille. J'ai toujours peur qu'ils nous arrêtent. Pas deux paysannes qui vont au marché. On n'est jamais trop prudente. Il ne faut pas les sous-estimer. Leur service de renseignement est très efficace. N'oublie jamais que pour le moment, ce sont eux qui tiennent les rênes. Et ils disposent de moyens de pression pour faire parler les gens ou les mettre à leur service. Regarde le réseau du petit Trulin. Vous croyez qu'on l'a donné? Il n'est sûrement pas tombé tout seul. Ah, voilà Albert. Parfaitement à l'heure comme d'habitude. Alors, comment ça s'est-il passé? Les boches n'aiment pas les fromages qui puent. Ces gens-là, ils n'ont pas de manières. Allez, les enfants, on y va. Marguerite, Et pour cette nuit? Le passeur m'a dit qu'il y avait du changement. C'est pas le même que la dernière fois ? Si, mais c'est la route qui change. Cette fois-ci, il m'a dit qu'on pouvait plus passer par la rivière. Les Boches ont compris le coup, ils ont mis des patrouilles avec leurs sales cabots. Alors ? Ben, faut qu'on passe plus à l'est, là où c'est dit qu'il y a des fils électriques. Des fils électriques ? Oh, t'inquiète pas, ma petite Charlotte, on a la tactique. On met un cadre en bois entre les fils et chut, on passe au milieu. Si tu prends pas trop de poids d'ici ce soir, tu passeras. Trois jours. Ils m'ont accordé trois jours de repos. Avec la grande offensive que préparent les Anglais, ils ont encore besoin du réseau au moins jusqu'à l'hiver 1916. Plus d'un an à ce rythme-là, je ne sais pas si j'en aurai la force. Enfin, ces trois jours m'ont fait du bien. Il y a si longtemps que nous n'étions pas revenus en famille au Touquet. J'étais contente de revoir tout le monde. En même temps, j'ai de plus en plus de mal à supporter les réflexions de maman. Elle trouve que j'ai maigri, que je suis pâle, que c'est dangereux pour une femme de s'exposer comme je le fais. Et cette histoire de médaille, pourquoi s'est-elle mise en tête d'écrire au général Joffre pour que j'obtienne une médaille ? C'est ridicule. Et hier, pendant le dîner, les allusions à mon avenir. C'est clair, elle n'a pas renoncé à ce que j'entre au couvent. Mariée à Dieu, pourvu que je sois casée. Le credo de ma mère. L'après-guerre. N'arrive même pas à l'imaginer. Faut pas que je pense à tout ça. Pour l'instant, je dois songer à mon train pour Bruxelles, où Minou doit déjà être arrivé. En septembre 1915, Louise et Minou doivent rejoindre chacune de leur côté, Albert, à Bruxelles. Elles ont plusieurs points de chute dans la capitale belge et ne connaissent jamais à l'avance celui où elles passeront la nuit. Un complice les en informe seulement à leur arrivée. Minou est la première, bientôt rejointe par Albert. Ah, t'es arrivée. T'as pas l'air trop bien dans ton assiette. Il y aurait quelque chose qui te chagrine. Tiens, Albert. Lis. Oh, vas-y, toi. La lecture, c'est pas trop mon fort. Venez au plus tôt, ce soir ou demain vers 8h au Lyon belge. Journal à la main, c'est au sujet d'Alice. Signé Alexandre et Joseph. Comment sait-il que t'as eu ce courrier ? Il m'attendait à la réception quand je suis arrivée cet après-midi. C'est-tu que tu vas y aller ? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui sont ces gens. En tout cas, moi, je sais que Madame Alice, elle a parlé d'un certain Alexandre, qu'elle voulait utiliser son service pour faire des passages en Hollande. Je sais, mais pourquoi alors aurait-il fait également signer ce Joseph ? Ça ne me dit rien, moi, ce Joseph. Moi non plus. Et si c'était un coup des Boches ? Faut pas voir les Boches partout non plus. Mais ils sont partout, Albert. Sinon, on n'aurait pas besoin de se donner tant de mal. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils savaient où déposer ce courrier. Si c'est les Boches et qu'ils veulent m'arrêter, pourquoi me faire venir dans un café ? Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent dire par « c'est au sujet d'Alice » ? Elle arrive quand, Madame Alice ? Demain, en fin d'après-midi, normalement. T'as qu'à attendre. Mais s'ils veulent me prévenir qu'elle court un danger ? Imagine, Albert, que ce soit cela et par ma faute qu'Alice se fasse arrêter. Je n'ai pas l'âme d'une héroïne, mais mieux vaut que ce soit moi qu'elle. Et ça pourrait être dangereux. Ils n'ont aucune preuve contre moi, c'est pour ça qu'ils ne m'arrêtent pas. Je vais aller au rendez-vous. Je t'accompagne. Non. S'il m'arrive quelque chose, tu devras prévenir Alice. Alors, je te suis jusqu'à la porte et je t'y attends. L'homme qui se présente à Minou n'est pas Alexandre, mais se prétend l'un de ses amis. Il désire qu'elle lui confie quelques messages à faire passer. Elle répond ignorer ce dont il parle et ne pas connaître cette Alice dont il fait mention. Minou ressort de son rendez-vous avec l'impression de ne pas avoir trop mal joué la partie, sans parvenir pour autant à se défaire d'une réelle inquiétude. Elle n'a pas tort. Elle est arrêtée au milieu de cette même nuit du 24 septembre 1915 et conduite à la maison d'arrêt de Tournai. Ai-je commis une erreur ? Depuis quelques semaines, les filets se resserrent autour de nous, comme autour des autres réseaux. Les Allemands sont devenus extrêmement méfiants. J'aurais dû nous mettre en sommeil, au moins un temps. Mais comment arrêter? Il y a toujours un message plus important à transmettre, d'urgence, un message capital. L'officier allemand assis en face de moi me jette des regards furtifs. Je suis certaine qu'il me trouve jolie. Pourrait-il deviner qu'entre mes cuisses, je dissimule des lignes codées qui portent peut-être la victoire des Alliés? Alors comment arrêter? Je n'en suis pas capable. Moi aussi, comme Minou, je me sens plus grande dans ce jeu dangereux. Il y a du plaisir à jouer avec le feu. Est-elle là notre erreur? Malgré l'arrestation de son lieutenant, Louise continue ses activités. Mais fatiguée par ses incessants allers-retours, rongée par l'anxiété, elle va commettre plusieurs maladresses. S'apercevant à un poste frontière qu'elle a oublié son laissez-passer, elle emprunte celui d'une jeune femme qui voyage avec elle. Le manège est repéré par les soldats qui l'arrêtent. Sachant qu'elle va être fouillée, elle avale précipitamment le petit bout de papier qu'elle a dissimulé sous sa bague. Seconde erreur. Elle n'a pas fait attention à l'officier qui se rase à quelques mètres d'elle. Dans son miroir, il la voit faire et donne immédiatement l'alerte. Louise de Bettigny est arrêtée le 20 octobre 1915. Mademoiselle Louise de Bettigny, c'est bien votre véritable nom, celui-ci? C'est même mon seul nom. À la prison Saint-Gilles, près de Bruxelles, où elle est détenue, Louise est interrogée par le commissaire Goldschmidt. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi nous avons retrouvé dans votre sac? C'est bien votre sac, non? Oui. Pourquoi nous avons retrouvé 3 cartes d'identité différentes à l'intérieur? Je l'ignore. Vous l'ignorez? Peut-être les aura-t-on placées là pour me confondre? Pourquoi quelqu'un voudrait-il vous confondre? Je vous le demande. Accuseriez-vous la police allemande? Mademoiselle de Bettigny, vous prétendez toujours être couturière? Je le confirme. Comme vous confirmez, travailler pour monsieur et madame de Jeter? Oui. Très bien. Bring sie nach rein. Monsieur de Jeter, connaissez-vous cette femme? Mais bien sûr qu'il me connaît. Je travaille pour lui comme couturière. Taisez-vous! Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Alors, monsieur de Jeter, connaissez-vous cette femme? Non. Cette femme ne travaille pas chez vous comme couturière? Non. Vous en êtes certain? Un faux témoignage pourrait vous causer de sérieux ennuis. Oui. Je vous remercie, monsieur de Jeter. Vous pouvez rentrer chez vous. Les Français ne cessent de me surprendre. Voilà un homme qui ne connaît pas la couturière qui travaille chez lui. Pouvez-vous m'expliquer comment quelqu'un chez qui vous travaillez ne vous reconnaît pas? Je ne me l'explique pas. Peut-être craint-il quelque chose? Que pourrait-il craindre d'une simple couturière? Vous savez, en ce moment, tout le monde se méfie de tout le monde. L'important est de savoir de qui il faut véritablement avoir peur. Mademoiselle de Bettigny, niez-vous toujours avoir avalé un papier au moment de votre arrestation? Je n'ai même pas besoin de le nier. Vous m'avez torturé pour que j'avale votre mixture qui m'a obligé. Vous m'avez humilié, tout cela pour rien. Le soldat vous a vu. Dans une glace. C'est là toute la preuve de vos accusations. Sachez, monsieur, que je les trouve bien maigres. Elles ne pèseront pas lourd face à un tribunal digne de ce nom. C'est ce que nous verrons. Bringen Sie sie zurück in die Zelle. Oh, une dernière petite question. Connaîtriez-vous par hasard une certaine Marie-Léonie Van Houtte? Non. Ce nom ne me dit rien. Pourquoi? Cela vous intéresse? Non. Simple curiosité. Simple curiosité, bien sûr. Le commissaire Goldschmidt acquiert très vite la certitude que Louise de Bettigny et Marie-Léonie Van Houtte se connaissent. Non seulement parce qu'il a découvert qu'elles ont fréquenté toutes les deux et fort régulièrement une même auberge à Bruxelles, mais qu'elles semblent également être en rapport avec une certaine Alice Dubois. Or, ce nom n'est pas totalement inconnu des autorités allemandes, qui supposent déjà qu'un réseau de renseignements se cache derrière cette identité. Louise de Bettigny a-t-elle subi des interrogatoires violents, voire de la torture, ou a-t-elle choisi comme système de défense de reconnaître en partie les faits ? Il semble qu'elle a avoué avoir transmis des rapports à Bruxelles pour le compte d'une certaine Alice Dubois, dont elle dit tout ignorer. Rompu. Ils m'ont fait nettoyer tous les couloirs, ces vaches-là. Ben, ça n'a pas l'air d'aller trop bien, ma petite dame. C'est encore ce porc de bosse qui vous a fait des misères. Ils se croient tout permis. C'est pas des gens, c'est juste des monstres. Mais ils n'emmèneront pas au paradis. Je sais, madame Ladrière, je sais. C'est qu'ils sont doués pour vous torturer, ces fumiers-là. Ils ont ça dans le sang. Bon, enfin, moi, j'ai pas trop à me plaindre, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment. Ils m'ont un peu oublié, ce qui est pas un mal. Tout ce qui se passe, que voulez-vous dire? Ben, les boches, ils sont comme des fous, comme qui dirait. Ils voient des espionnes partout. Pourquoi dites-vous cela? C'est avec l'histoire de cette Anglaise, une infirmière. Ils disent que c'est une espionne. Mademoiselle Cavell. Vous la connaissez? J'ai entendu parler de son arrestation, comme tout le monde. Ils disent qu'elle a fait s'évader des centaines de soldats. Alors, évidemment, les boches, ça les met sur les dents. Ils attrapent tout ce qu'ils peuvent. Ils viennent de rentrer une petite, là. Elle était enfermée à Tournai, qui paraît. Mais ils veulent la mettre dans les mains de Goldschmidt. La pauvrette. Vous l'avez vue? Je l'ai aperçue. Je suis de corvée de linge. Vu comme elle est fluette, la pauvre gamine, elle donne pas cher de sa peau. C'est qu'ils sont doués dans la torture, ces fumiers-là. Vous vous souvenez de son nom? Ah ben tu parles si je me rappelle son nom. Ça m'a fait penser au chocolat. Quand j'étais petite, Van Houten, c'était le meilleur chocolat qui paraît. Ça va pas, mademoiselle? Vous êtes toute pâle. Dites, vous la connaîtriez pas des fois, cette gamine? Il faut que je m'allonge. Tenez, prenez un peu d'eau. Ça va mieux? Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Mais entre femmes, faut qu'on s'entraide. Et moi, je fais partie des meubles ici, depuis que je suis dans cette tôle. Alors, j'en entends pas mal de choses. Et je sais bien ce qu'ils lui veulent à la petite. Alors, si vous voulez que j'y fasse passer un mot... Vous pourriez? Ben, disons que je ferais pas ça pour n'importe qui, parce qu'il faudrait pas que ça me revienne dans la gueule. Mais vous, je vous aime bien. Vous êtes un peu de la haute, mais vous n'êtes pas si chiteuse. Et puis, vous partagez les paquets que votre famille, elle vous envoie. Alors, je vous dois bien ça. Un petit mot. J'arriverai bien à le caser dans un tas de linge. Alors, mademoiselle de Bettigny, prétendez-vous toujours ne pas connaître Marie-Léonie Van Houten? Je vous le confirme. Peut-être la connaissez-vous sous un autre nom. Bring the zer rein. Entrez, mademoiselle Van Houten. Alors, mademoiselle de Bettigny, ce visage vous est toujours inconnu? Il l'est. Et vous, mademoiselle Van Houten, connaissez-vous cette dame? Pas le moins du monde. Mademoiselle Van Houten, connaissez-vous ces horaires de train? Oui. Et là, est-ce vous qui avez écrit quelque chose à la main? Je ne vous comprends pas. Je vous demande si c'est votre écriture, là. C'est clair, je crois. C'est-à-dire? C'est votre écriture, oui ou non? Non. Mais... Cette écriture ne serait-elle pas plutôt celle de Mademoiselle de Bétigny? Non. Mademoiselle Van Hout, reconnaissez-vous ce mot? Non. C'est normal. Il ne vous est jamais parvenu. Et vous, Mademoiselle de Bétigny, je suis certain que vous reconnaissez ce mot. Je vais le lire à voix haute, car après tout, il vous est destiné, Mademoiselle Van Hout. Ou devrais-je vous appeler Minou? Cher Minou, vous reconnaîtrez que pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous êtes très familière. Cher Minou, donc, tu dois reconnaître que tu transportais du courrier pour Alice Dubois, comme je le dis moi-même. Ne dis pas autre chose, je ne trahis personne. Je suis étonné qu'une femme aussi intelligente que vous se soit laissée avoir par, comme vous dites en français, une taupe aussi grossière. Et maintenant, Mademoiselle Van Hout, regardez ces deux écritures manuelles. Ne trouvez-vous pas qu'elles sont étrangement semblables? Je vais vous dire la vérité, madame. Vos petites personnes ne m'intéressent pas. Je veux bien croire que vous n'avez été que des passeuses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dénommée Alice Dubois. Je vous promets que tant que je n'aurai pas découvert qui est la personne qui se cache derrière cette identité, je ne vous laisserai pas dormir tranquille. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Bringen Sie sie zurück in die Zelle. Les deux femmes sont jugées le 21 mars 1916 pour espionnage. Marie-Léonie Van Hout est condamnée à 15 ans de travaux forcés et Louise de Bétigny à la peine de mort. Mais les exécutions quelques semaines auparavant de Gabriel Petit, âgé de 22 ans, et d'Edith Cavell, ayant soulevé une vague d'indignation dans l'opinion internationale, la peine de Louise est commuée en travaux forcés à perpétuité. Louise et Marie-Léonie sont transférées au bagne de Siegburg en Allemagne. Une prison pour femmes à la sinistre réputation et aux conditions de vie extrêmement pénibles. Elles ne sont pas les seules espionnes incarcérées ici. Elles côtoient la petite institutrice, Louise Tullier, comme la princesse Marie de Croy, dont les noms resteront eux aussi gravés dans l'histoire de la résistance de la Grande Guerre. Durant les premiers mois de sa détention, Louise se montre combative. Lorsque les autorités de l'établissement ordonne aux détenus la fabrication d'armes de guerre, elle fomente une rébellion, car la convention de La Haye stipule que les travaux demandés aux prisonniers ne doivent avoir aucun rapport avec les opérations de la guerre. Jugée responsable du refus de travailler des prisonnières, elle voit ses conditions de détention se durcir. Après 3 ans de prison, Louise de Bétigny s'éteint d'un abcès au poumon mal soigné. Elle meurt le 27 septembre 1918, elle avait 38 ans. J'ai longtemps cru que je pourrais survivre à tout. Que mon corps serait suffisamment costaud pour supporter les brimades et les heures de cachot. Que mon esprit serait assez fort pour subir toutes les hontes et les vexations. Ai-je été naïve de penser que l'influence de mes proches, que mon nom même me sortirait de l'enfer ? Que quelques lettres bien tournées à des gens influents attireraient l'attention sur notre triste sort. J'y ai cru longtemps. Je me suis battue pour conserver ma dignité. Aujourd'hui, mon corps amaigri suffoque. Mon esprit épuisé se perd un peu. Pourtant, je suis apaisée, n'espérant plus que le repos, un long repos. J'en suis certaine désormais. Je ne finirai pas au couvent. Louise de Bétigny, espionne de guerre de Jean-Philippe Noël. Avec Vanda Bénès, Louise de Bétigny, Fanny Outhéreau, Germaine de Bétigny, Mathieu Marie, Monsieur de Jeter, Morgane Arbez, Marie-Léonie Van Hout, Marie-Pierre Cazet, Madame Ladrière, Donatien Guillot, Albert et Philippe Weissert, le commissaire Goldschmidt. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Jean-Richard Dufour et Victoria Aspert, assistant à la réalisation Félix Levaché, réalisation Benjamin Habiton. Dans quelques minutes, nous poursuivons la discussion sur Louise de Bettigny avec Chantal Antier. Autant en emporte l'histoire, jusqu'à 22h sur France Inter. Mansfield, Tia, Gilbert de Clerc sur France Inter dans Autant n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Antoine Nabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Élise Christophe, Chantal Antier. Vous venez d'écouter avec nous donc cette fiction sur Louise de Bettigny. Je rappelle que vous êtes historienne et l'auteur notamment d'une biographie sur cette femme exceptionnelle. Donc Louise de Bettigny a échappé de peu à la condamnation à mort, mais sa captivité dans la forteresse de Siegburg en Allemagne était très dure. On peut dire qu'elle en est morte. Elle en est morte, certainement. Sa condamnation à mort, ce qu'on sait tout de même, on l'a su après, c'est qu'elle parlait allemand. Et donc, elle s'est défendue en allemand. Elle comprenait tout ce que disaient évidemment ses juges. Elle a sauvé la vie de Marie-Léonie Van Hout, qui était condamnée à mort, en fait, comme elle. Oui. Et elle a pu obtenir pour elle, en disant qu'elle lui avait même pas donné d'argent, qu'elle avait travaillé de temps en temps pour elle. Mais elle était quand même très affaiblie. On pense quand même, sa mère pense qu'elle a été battue. Parce qu'elle a souffert beaucoup du dos, elle a eu un problème au poumon. Et on s'est demandé si c'était pas d'origine, justement, de la prison. En tant que prisonnière, elle était considérée comme prisonnière. Par contre, c'est vrai que dans certains cas, et là en particulier où elle va être punie, ça va être évidemment beaucoup plus important que ses compagnes. Et elle va faire donc du cachot dans des conditions épouvantables, sans habits, sans couverture, dans un froid glacial. Et elle va en sortir évidemment dans un état nerveux aussi, parce qu'elle-même va le dire dans une lettre, épouvantable. Elle ne pensait pas qu'elle pourrait être traitée à ce point-là. Et puis, malade. À peine plus d'un mois avant l'armistice, c'est quand même terrible. Elle aurait pu être libérée si l'armistice était arrivé quelques semaines plus tôt. Alors, elle aurait pu être libérée, mais justement, son cas d'espionne, comme pour tous les espions, ne sont considérés ni comme un militaire, ni comme un blessé, même si elle tombe malade ou gravement malade. Donc, d'après les conventions de Genève, elle n'a droit à aucun système particulier. Elle a cru pendant très longtemps qu'elle aurait droit, justement, comme des soldats, à être rapatriée en Suisse. C'est là-dessus que sa famille a beaucoup, beaucoup travaillé, aussi bien auprès du pape qu'auprès du roi d'Espagne, qu'en France, on ne s'est pas tellement inquiété de son sort, puisqu'elle travaillait pour l'Angleterre. Et les Anglais avaient écrit à sa mère en disant une phrase assez curieuse, c'est qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient rien faire pour elle. Et que, ben, probablement qu'elle finirait ses jours là-bas. Ses camarades ont demandé très tôt qu'elle aille à l'hôpital, parce qu'il semblait quand même que, ou elle faisait une tuberculose, ou finalement, on pense qu'elle a fait un cancer du poumon. Et elle a été opérée dans des conditions abominables. Aucun chirurgien de la ville n'a voulu venir opérer en prison. On n'a pas voulu l'emmener dans une salle d'opération en hôpital, ce qu'on faisait pour les autres. Elle a fait une infection à la suite de ça. Vraiment, c'est au dernier moment que le chef de la prison, Herdur, a accepté, parce que c'était presque la fin de la guerre, et il savait qu'il en aurait des conséquences, donc qu'elle aille dans cet hôpital à Cologne. Elle y est restée très peu de temps. Son frère prêtre lui a écrit tout le temps. Elle n'a pas reçu toutes les lettres, mais celles qu'elle a reçues et celles qu'elle a écrites, on en a un certain nombre. Donc, on voit très bien que la famille cherche par tous les moyens et qu'on lui fait effectivement des promesses, comme quoi on l'emmènera en Suisse. Et puis finalement, eh bien, elle va comprendre qu'elle va mourir sur place. Est-ce que le sort de ces espionnes alliées, qu'elles soient françaises ou belges, comme Edith Cavell ou Gabrielle Petit, est-ce que le sort de ces espionnes qui ont été emprisonnées en Allemagne est comparable à celui à l'inverse des femmes espionnes qui travaillaient pour l'Allemagne, qui ont été emprisonnées en France? On pense bien sûr à Mata Hari, la plus connue d'entre elles. Eh bien, j'ai fait des recherches là-dessus. Je me suis aperçue qu'on avait quand même fusillé en France des espionnes à partir de 1917. Mata Hari, bien sûr, mais beaucoup d'autres, supposées allemandes. Donc, jusqu'en 1920, on a le long encore d'une femme qui a été fusillée. Alors, certaines ont fini dans des prisons, mais d'autres ont été quand même fusillées. Louise de Bettigny a été décorée après sa mort, donc de manière posthume, surtout par les Britanniques. Voilà. On a l'impression que les Britanniques l'ont plus vite reconnue, ont tout de suite d'ailleurs, de son vivant, voulu utiliser ses services, alors que les Français avaient plus de réticence. Est-ce que c'est parce que c'était une femme ? Alors, je pense que c'était une femme parce que j'ai ce témoignage d'un commandant, qui s'appelait le commandant Gustal, français, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les héros sans gloire du deuxième bureau ». En France, on n'employait les femmes que contraintes et forcées, et avec une instinctive défiance. C'est que nous avons toujours considéré que leur cœur, leurs nerfs, leurs sens les empêchaient de jouer jusqu'au bout le rôle ingrat d'espionne. Eh oui, le corps des femmes est décidément toujours alors un problème. Alors qu'en Angleterre, eh bien, il faut savoir que c'est un des rares pays où les infirmières ont eu un statut militaire, mais pratiquement c'est tout. Merci beaucoup Chantal Antier de nous avoir rappelé l'histoire étonnante de Louise de Bettigny, une histoire que l'on peut retrouver dans votre livre « Louise de Bettigny, espionne et héroïne de la Grande Guerre » publié chez Talendier. Autant n'importe l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où je vous invite à découvrir le dessin que Nina Lueck, notre dessinatrice de presse, a réalisé spécialement pour l'émission d'aujourd'hui. Vous pourrez aussi écouter les émissions que vous avez peut-être manquées, Les derniers jours de Jean Jaurès et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ou encore Moscou 1917, une histoire d'amour très romanesque dans l'univers du théâtre d'art en pleine révolution d'octobre. Et bien sûr, j'attends avec impatience vos commentaires sur le site de France Inter et la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous raconterai l'histoire du procès de Madame Bovary en 1857 sous le Second Empire, quand Gustave Flaubert et à travers lui son héroïne furent accusés d'atteinte à la morale publique et à la religion, oui, par le juge Ernest Pinard, un curieux mélange de pudibonderie et de sensualité refoulée. Un épisode marquant de l'histoire de la censure littéraire, un texte signé Mohamed Aissaoui. À dimanche prochain, dans quelques minutes, vous avez rendez-vous bien sûr avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée.